Chapitre 5e, Révolution. Le récit qu'Édouard venait d'entendre aurait certes suffi pour exciter en lui la plus tendre compassion. Mais tout ce que Daniel avait raconté lui avait encore livré le secret de l'héroïque humiliation de Marguerite, et sa pitié devenait de l'admiration. Maintenant qu'il connaissait les fatales et douloureuses circonstances qui avaient amené cette jeune fille à tendre la main à un passant, il lui faisait, dans son imagination, un véritable trône de cette borne où il l'avait recueillie mourante. Il ne pouvait songer, sans s'attendrir jusqu'aux larmes, à tous ces mystères de honte sublime et de filiale abnégation qui n'avaient fait que l'étonner d'abord et qui s'expliquaient si bien actuellement à cette hésitation déchirante de la pauvre enfant, à cet affreux combat de la détresse et de la pudeur, de la misère et de la reconnaissance, à l'étrangeté de ses habits qui couvraient un secret si touchant, si admirable. Il remerciait le ciel d'avoir placé sur sa route tant de vertus à contempler et une si bonne action à faire. Il était heureux de pouvoir sanctifier ainsi un anniversaire et un jour également sacré. Il offrait son œuvre charitable à la double mémoire de son père et de l'empereur. Puis, le souvenir de Mademoiselle de Sancerre lui revenant au milieu de ses pensées, il ne pouvait s'empêcher de la comparer à Marguerite. Il y avait dans son âme une voix secrète et irrésistible qui lui répétait sans cesse: Clotilde n'a pas pu se rappeler, un jour de bal, que c'était l'anniversaire de la mort de ton père et de son bienfaiteur, et Marguerite a tout oublié, tout, pour soulager le père de Daniel. Laquelle des deux a le plus de reconnaissance et le plus de délicatesse au cœur? En se parlant ainsi, Édouard était arrivé chez lui. Il alla tout droit à la chambre de sa mère, qu'il trouva seule, et il lui raconta ses deux aventures. Elle le plaignit secrètement de la première et l'embrassa avec effusion pour le féliciter de la seconde. Puis, Édouard abandonna la veuve du général de Méran aux pieuses et saintes rêveries de sa douleur. Quant à lui, rentré dans sa chambre et récapitulation faite de sa journée, il s'aperçut qu'il s'était trompé complètement en croyant aimer Mademoiselle Clotilde de Sancerre. Cela posé et reconnu, il s'endormit en songeant à son père, au vieux grenadier, son compagnon d'armes, aux funérailles de leur commun empereur et à la pauvre jeune fille qui devait venir le lendemain chez sa mère. Marguerite vint en effet le lendemain chez Madame de Méran. Elle y fut reçue avec une bonté maternelle, entourée des soins les plus délicats, et trouvée supérieure encore à l'éloge qu'en avait fait Édouard. Lui-même prit d'elle une plus haute opinion que la veille, et découvrit, dans sa conversation et ses manières, toutes les qualités auxquelles Daniel l'avait fait allusion dans ses confidences. Madame de Méran sut mettre dans sa générosité envers la pauvre artiste autant d'égards et de touchante habileté que son fils en avait mis dans la sienne envers l'artisan. En peu de jours, les choses nécessaires aux malades furent réunies autour d'eux. Le mont-de-piété restitua ses tristes gages et l'aisance revint dans la mansarde de la rue de Varennes. La mère et le fils allaient alternativement rendre visite à leur nouveau protégé. Seulement les motifs qui les dirigeaient devenaient de jour en jour plus différents. Madame de Méran prodiguait surtout ses soins au vieillard, et Édouard s'inquiétait davantage de la jeune fille. Plusieurs fois même, il avait essayé de l'entretenir seul. Mais soit hasard, soit précaution de la part de Marguerite, il ne pouvait en venir à bout, et le vétéran était toujours entier dans leur moindre conversation. 20 fois déjà, celui-ci avait raconté à Édouard toutes ses campagnes sous le général de Méran. Cependant, les semaines s'écoulaient, les visites se multipliaient. Daniel rétabli travaillait avantageusement. Les explications se remettaient au lendemain, et la position d'Édouard de Méran vis-à-vis de la pauvre fille devenait de plus en plus mystérieuse et embarrassée. Le père de Daniel, doué de son regard sûr et pénétrant, particulier aux vieillards et surtout aux vieux soldats, s'aperçut le premier de la tournure singulière que prenaient les choses, et il résolut d'en découvrir le motif. Il connaissait l'union projetée entre Édouard et Mademoiselle de Sancerre. Cela lui servit de point de départ pour arriver à son but. Un jour qu'il était assis dans son grand fauteuil, sous son portrait de Napoléon, ayant Marguerite à sa droite et Édouard devant lui, il interrompit brusquement la conversation pour dire à ce dernier « Eh bien, monsieur de Méran, à quand votre mariage ?» Le jeune homme, qui était loin de croire le vieillard si instruit de ses affaires, encore plus loin de songer à celle-ci, tressaillit de surprise sur sa chaise et jeta vers Marguerite un regard rapide et inquiet. La jeune fille n'avait pas fait le moindre mouvement, mais elle était devenue extrêmement pâle et baissait les yeux en attendant la réponse d'Édouard. « C'est un projet remis indéfiniment. » dit celui-ci en appuyant sur le dernier mot. Marguerite respira et le vétéran, fronçant le sourcil d'un air chagrin, passa un doigt sur sa moustache blanche. « Cependant, reprit-il, madame votre mère m'avait parlé de cette union comme d'un événement très prochain. » « Ma mère, reprit Édouard, me chérit trop pour consulter, en fait de mariage, autre chose que mes inclinations. Est-ce que vous n'aimez pas, monsieur, la personne qu'on vous destine pour femme ?» Édouard n'osa pas répondre et parut désirer changer la conversation. « Excusez-moi, monsieur, dit le soldat avec beaucoup de douceur, si j'ai eu l'indiscrétion de me mêler de vos affaires. C'est que j'étais curieux de savoir si l'on ferait la noce chez madame de Méran en même temps que chez nous. « Chez vous, s'écria Édouard. Oui. » poursuivit tranquillement le vieillard, sans perdre de vue un seul mouvement du jeune homme. « C'est le dernier secret de famille qu'il nous reste à vous apprendre. Marguerite et Daniel ont été fiancés par ma sœur au lit de mort. Et puisque voilà notre petit ménage un peu remonté grâce à vos bontés et à vos soins, j'espère remplir bientôt ce vœu suprême en mariant mes deux enfants. Qu'en dis-tu, Marguerite ? » La jeune fille n'eut que la force de répondre. « Vous savez, mon oncle, que vos volontés sont les miennes. » Elle sortit, feignant de le faire par discrétion, mais c'était réellement pour cacher la douleur qu'elle ne pouvait plus contenir. Au moment où elle passait dans la pièce voisine, Édouard entendit un sanglot étouffé. « Elle pleure, » s'écria-t-il dans un transport qui exprimait autant de joie que de compassion. Et il fit un mouvement pour la suivre, mais le vieux soldat, lui saisissant le bras avec force, le retint debout auprès de lui. « Arrêtez, jeune homme, » dit-il avec autorité, « voilà plus que je n'en voulais savoir. » Édouard regarda le vétéran et trouva dans ses yeux une expression si sévère et si majestueuse qu'il se laissa tomber sur sa chaise comme un accusé devant son juge. « Monsieur, dit l'oncle de Marguerite, vous aimez ma nièce et vous pourriez vous en faire aimer. Vous ne devez plus la revoir. » Édouard demeura une minute pétrifié sous le regard du vieux soldat. Enfin, relevant la tête et se tournant du côté où avait disparu la jeune fille, « Je ne dois plus la revoir, » répéta-t-il d'une voix altérée. « Et pourquoi donc ?»« Parce que vous ne pouvez pas l'épouser, » répondit le vieillard. « Je ne puis pas épouser la fille adoptive du frère d'armes de mon père, » s'écria le jeune homme. Le soldat hocha la tête et reprit froidement. « Vous êtes riche, elle est pauvre. Vous appartenez au monde, elle appartient au peuple. Il y a un abîme entre vous deux. La société est faite ainsi, et la société n'a jamais tort. Il faut être de son temps, monsieur, et ne pas prendre la morale dans les rêves des romanciers. » « Laissez-moi donc, jeune homme, vous épargner une folie ou une faute. »« Une faute ?» s'écria Édouard. Ah, « Connaissez mieux votre nièce et moi-même. Ma nièce est un ange, et vous avez le cœur le plus noble et le plus généreux que j'ai rencontré dans ma vie, le cœur de votre père, enfin. Mais il y a des anges qui sont tombés du ciel et d'excellents cœurs peuvent s'égarer ou se tromper sur cette terre. Croyez-moi, monsieur de Méran, je n'ai point lu autant de livres que vous. Mais voilà 60 ans que je lis dans l'esprit des hommes, et je veux vous enseigner votre devoir comme je connais le mien. C'est demain que la famille de votre fiancé se réunit chez madame de Méran pour arrêter les conditions de votre mariage. Épousez la femme qui vous convient, et oubliez Marguerite. » « Quittez Marguerite pour Clotilde ?» dit Édouard en sortant de la rêverie profonde où il était plongé, et il raconta en détail toute l'histoire de mademoiselle de Sancerre. « Monsieur le roi, » reprit-il ensuite d'un ton solennel, en saisissant la main du vieillard, « vous avez lu dans mon âme. En effet, j'aime votre nièce, seulement je l'aime plus et mieux que vous ne croyez. Je ne puis vous dire que cela aujourd'hui. Vous verrez demain comment j'entends mon devoir. » Il sortit, mais ayant aperçu Marguerite dans le petit salon, il courut à elle, lui saisit les deux mains qu'il couvrit de baisers et de larmes, et lui dit d'une voix étouffée, « Je vous aime, Marguerite, et si vous m'aimez, je n'aurai jamais d'autre femme que vous. » Ayant parlé ainsi, il descendit précipitamment l'escalier et se mit à courir comme un insensé dans la rue. Il y avait plus d'un mois qu'Édouard de Méran nourrissait dans son âme sa nouvelle passion. Sans la laisser paraître dehors et sans trop se l'avouer à lui-même, effrayé qu'il était des mille empêchements qu'elle devait rencontrer. Les paroles du vétéran et les larmes significatives de Marguerite, en tombant sur son cœur, avaient amené l'explosion que nous venons de voir. Et ne trouvant plus son amour déraisonnable, du moment qu'il le croyait partagé, le jeune homme courait chez sa mère pour rompre les derniers liens qui l'unissaient à Clotilde et renverser tous les obstacles que lui opposerait le monde et sa famille. Puisque Marguerite est supérieure à sa condition, pourquoi ne le serais-je pas au préjugé de la mienne? pourquoi aurais-je moins de courage qu'elle n'a de mérite, enfin ? C'est ainsi qu'il se montait la tête et qu'il immolait à son amour toutes les idées et tous les principes que l'éducation et la société avaient déposés en lui. C'est que cet amour était aussi réel et aussi profond qu'il était fatal et impossible, fondé sur l'estime ou plutôt sur l'admiration des qualités vraiment supérieures de la pauvre artiste, il joignait, à la force d'une affection raisonnée, tout l'enthousiasme que peut inspirer la perfection matérielle relevée par l'idéale beauté du cœur. Édouard en avait été frappé, dès le premier jour, en regardant Marguerite. Jamais âme plus angélique ne s'était réfléchie sur un visage plus pur. Toute la douceur du caractère de la jeune fille se lisait dans le regard caressant de ses grands yeux bleus, et dans les souples et soyeuses boucles de ses cheveux blonds. Son front, ouvert et développé, dénotait à la fois la candeur et l'innocence, le sentiment de l'honneur et l'intelligence élevée. Ses joues avaient la fraîcheur veloutée du fruit dont un air pur a seul effleuré le duvet, et ses lèvres, quand il souriait, exprimaient en même temps les plus exquises délicatesses de l'esprit et les plus délicieuses tendresses du cœur. Tous ces charmes que la jeune fille laissait d'autant mieux voir qu'elle les soupçonnait moins, Édouard les avait contemplés et analysés, presque tous les jours, pendant plus d'un mois. Jugez s'il avait oublié, dans ses adorations quotidiennes, et la mansarde et le vieux soldat, et l'artiste et l'ouvrier typographe. Il s'était si bien habitué à faire de Marguerite un être à part dans sa sphère, qu'il était allé jusqu'à la mettre au-dessus des personnes les plus haut placées dans ses relations. Autant Édouard avait redouté de rendre compte de ses sentiments pendant qu'il comprimait son amour en lui-même, autant ils étaient arrêtés depuis que son explication avec l'oncle de Marguerite les avait mis en jeu. C'est que l'homme vraiment courageux attend, pour déployer son énergie, que la lutte soit ouverte et le péril déclaré. Tel était le cas où se trouvait alors Édouard de Meyrand. Mais combien la lutte qu'il osait entreprendre était difficile et terrible. Il s'agissait de vaincre à lui seul tout le monde, sans autre arme que l'amour, ce sentiment que la société traite de folie et que chacun n'admet une excuse que pour soi-même. Nous allons voir si un tel combat n'était pas au-dessus des forces d'Édouard.